Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Troisième partie de notre saga un petit peu jeunesse, hein, on va dire ça, après Nos Frissons, et la deuxième avait consacré à la science-fiction, aussi bien télévisuelle qu'animée. On attaque maintenant tout ce qui est, on va dire, les super-héros qui ont un peu marqué notre jeunesse, et notamment on va commencer par des grandes figures, donc c'est notamment les séries live, déjà le Batman de 66. Alors le Batman de 66, c'est un peu particulier parce que il a commencé sur l'ORTF, mais moi j'ai quand même découvert sur 1984 sur Canal+. C'est là vraiment que la série a commencé à vraiment se faire connaître parmi les geeks. Bah en fait, voilà, la série de 66, on la connaît parmi les geeks tous, surtout pour les fameux mèmes. On voit Batman courir avec une bombe, donc avec son costume très kitschissime et sa fameuse Batmobile, juste avec des roues, quoi. Enfin, je veux dire, juste une voiture améliorée. Et en fait, c'est la série qui a fait connaître un peu les super-héros en France, quoi. C'est la première vraiment où on parle de super-héros en France. Ouais, en fait, moi, je suis pas trop d'accord pour la Batmobile parce que moi, je trouve qu'elle est classe. Elle est pas juste améliorée. Je trouve que vraiment, il y a un design qui rappelle un peu une chauve-souris qui est un peu. Par rapport à la Batmobile de Nolan, je trouve qu'elle a plus de gueule, mais bon. Moi, je trouve qu'elle a moins de gueule que la Batmobile de Burton, par exemple. Ah oui, c'est des comparaisons qui tiennent pas, mais pour moi, la Batmobile, c'est le détail le moins kitsch dans la série, quoi. Par contre, tu parlais de la fameuse bombe, oui, ça, c'est une scène culte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une scène culte dans le film Batman. Oui, dans le Batman. Mais le sinon, film. Dans la série, c'était toujours les mêmes situations, c'est-à-dire le même costume, hein, ça changeait pas, et le même jeu d'acteur. Ah oui, l'espèce de grosse culotte qui montait jusqu'au nombril, ça, c'est culte, hein. La ceinture jaune et les répliques un peu ridicules quand il s'exprime le Batman et le Robin, et puis t'as la scène où en fait ils sont en civil et puis ils descendent le long de la barre pour aller et puis tout d'un coup ils se retrouvent habillés, les mecs. Ah ouais, donc ils sont appelés, ils descendent le long de la barre de pole dance un peu comme dans les casernes de pompiers. Ouais, c'est vrai. Et puis hop, ils sont habillés avec leur beau costume saillant, parce que, et puis t'avais les méchants qui étaient peut-être hauts en couleur. Alors je pense à ce Joker qui avait pas rasé sa moustache, l'acteur n'avait pas rasé sa moustache et qui avait mis du maquillage par-dessus, donc ça se dit déjà dans une histoire kitsch. Et t'as celui qui faisait le pingouin qui ponctuait toutes ses phrases par « quoi ». Bah, le pingouin, c'est un grand acteur, c'est Burgess Meredith, et on le connaît surtout parce que c'est l'entraîneur de Rocky dans la saga Rocky, en fait. C'est Mickey, quoi. Il y a le Joker, il y a le pingouin, il y a le Riddler aussi, et puis il y a le Catwoman aussi. Ouais, Catwoman, la première combinaison moulante sur une personne de sexe féminin, c'est dans ces années-là. C'est vrai qu'elle est vachement sexualisée dans cette série. L'aspect kitsch, notamment quand il y a des scènes où je me souviens de la scène du requin qui se fait mordre par un requin. On voit alors ça, vraiment... c'est toujours dans le film. Ouais, ça, c'est vraiment. On est au sommet du ringard, quoi, quasiment. Ouais, surtout que quand le requin touche l'eau, il explose. Ou bien quand il grimpe sur l'immeuble, on voit bien qu'ils sont étalés, quoi. C'est une vue horizontale, quoi. Alors, après, faut le remettre dans le contexte. Hein. Année 1966, 67, oui. On leur avait demandé quelque chose de pas trop sérieux. Hein. Mm. Donc les acteurs sont pas trop sérieux parce que la prod, à leur époque, leur avait demandé quelque chose qui pouvait être tout public. Pour les enfants... Voilà, il y a quand même de l'humour. Ça reste assez distant du réel pour se dire, c'est du pas vrai, quoi, c'est des faux méchants, etc. Et c'est pour ça que je pense que c'est assez kitschissime quand on le regarde avec l'œil d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, mais puis on est loin de l'attitude sombre du personnage dans les comics, quoi. Bah, Batman a eu sa période kitschissime dans les comics aussi. Aussi. Mais ça n'a pas duré, hein. C'est quand il y avait des problèmes de vente, et puis qu'ils se sont dit, tiens, on va mettre du kitschissime. D'ailleurs, je crois même que c'est après le Batman de télé où ils ont sorti un Batman un peu plus kitschissime. Ouais, d'ailleurs, c'est le. Ce sera les 40 ans de Batman, et on fait un petit peu d'auto-promo, on va dire. Donc, à la manière de notre dossier sur Superman, on va revenir sur la longue carrière de Batman, et notamment, on va explorer un petit peu le volet comics, notamment les influences, mais les variations qu'il y a pu avoir au niveau des tons des différentes histoires. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a eu du Batman, ça faisait un peu n'importe quoi dans le comics, quoi. Ouais, un Batman, c'est un peu le machete, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit là où on n'attend pas à le voir, des fois, quoi. On peut rappeler aussi que c'est produit par William Dozier. Alors, William Dozier, c'était dans la même période, il produisait la fameuse série Le Frelon Vert, qui nous a fait découvrir le grand Bruce Lee, quoi, justement. Ouais, puis qui a démocratisé le kung-fu en série télé. C'est même s'il y avait deux ou trois scènes de kung-fu, mais ça permettait un petit peu de relever le niveau et d'être un petit peu plus sérieux quand même. C'est vrai que le Frelon Vert est plus sérieux que Batman, et bah notamment c'est vrai que les coups de savate de Bruce Lee sont quand même plus célèbres que le personnage du Frelon Vert lui-même, quoi. Ouais, surtout que le Frelon Vert, ouais, c'est resté un peu plus discret que Batman, hein, quand on parle de ces années-là. On parle de séries télé sur super-héros, on va tout de suite penser à Batman. On va pas penser forcément au Frelon Vert en premier. Et en plus, on peut rappeler aussi qu'il y a eu un crossover sur plusieurs épisodes du Frelon Vert où le Frelon Vert croisait justement Batman et Robin. Et ça donne lieu à des épisodes qui sont assez jubilatoires, quoi, quelque part. Voilà, quoi, tout ce qu'on pouvait dire sur cette série qui est culte, hein, on peut le dire. Moi, je trouve qu'elle est, un peu idiote, mais quand on replace dans les années et le public visé, je la trouve pas aussi débile que ça. Il y a bien pire dans la même période, quoi, je veux dire. Ouais, puis il y a bien pire de nos jours aussi, alors que c'est des publics visés plus adultes et que c'est complètement débile. Avec des moyens plus conséquents, on va dire. Voilà, c'est vrai que là, ça a mis quand même les bases des super-héros, hein, c'est-à-dire que c'était un détective, hein. Il disait pas que c'était un super-héros, il appelait Batman le détective. Hein. Donc là, voilà, c'était un détective à l'époque, mais moi, je pense qu'au niveau des bases, c'est le précurseur au niveau télévisuel. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de bat grappin ou bat machin, tu sais, les gadgets, ils étaient quand même minimales dans la série. Oh oui et non, hein. Enfin, il y avait la bat-échelle, donc c'était une échelle qui pendait de l'hélicoptère. Oui, ça c'était horrible aussi. T'avais le bat-phone, c'était le téléphone... Ouais. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'était le bat-phone, le bat-ordi, et tout, il y avait tout bat devant. Le pire, je crois que c'était les répliques entre Batman et Robin, quoi, que la plupart du temps, ça voulait rien dire, quoi, ce qu'il racontait. Bah, en fait, ça c'est une question de doublage, c'est-à-dire qu'on pouvait pas doubler les jeux de mots anglais, américains, la même façon que les jeux de mots français, donc ça choque un peu quand on l'entend en version française. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la série pour voir le potentiel. Vous pouvez juste regarder le film, hein, qui fait déjà 1h30, qui est bien divertissant et qui nous donne vraiment une bonne idée de ce qu'est la série, quoi. Puis de façon, maintenant, la série, vous la trouvez assez facilement sur les plateformes légales pour pouvoir la regarder des petits morceaux. C'est ça. Donc pour vous faire une idée, vous pouvez y aller. C'est pas quelque chose qui est très dur à regarder et à trouver. Ouais, c'est clair. Bon, on va passer à une autre série de super-héros. On reste dans le DC Comics. Vu que le personnage est revenu il n'y a pas très longtemps au sein de la Trinité. C'est le personnage de Wonder Woman, une série aussi très connue à son époque. C'est la justicière interplanétaire, elle jaillit comme un éclair. Wonder Woman avec en vedette Linda Carter. Donc Linda Carter qui nous faisait son espèce de change de transformation en faisant un tour sur elle-même avec un grand éclair pour un effet spécial. Donc là l'effet kitsch était garanti et puis elle était aux côtés du major Steve Trevor. Comme dans le comics. Les années de sortie de Wonder Woman, c'est dans les années 80, il me semble. Donc c'est dans 77-78. Parce que franchement, 77-78, moi je suis désolé, la tenue de la personne qui interprète Wonder Woman, c'était quand même assez sexe, hein, pour l'époque. C'est clair qu'elle était ultra iconisée, hein, Linda Carter, avec son espèce de short, et puis son décolleté, quoi. Mais faut quand même dire qu'à la base, Wonder Woman est quand même une pin-up, quoi, dans les comics. Hein, Dans les comics, c'est une pin-up, et ce qu'il faut aussi dire, c'est que le gars qui a créé Wonder Woman, c'était un fétichiste. Oui, c'est ça. D'où le lasso, les tenues serrées, Temiskira où il n'y a que des femmes, etc., etc. Bon, faut pas revenir là-dessus. Mais moi, je trouve que ça se ressent un tout petit chouïa dans la série, quand même. C'est ça. Il faut une belle plante, et puis voilà, quoi. Parce que au niveau des scénarios, c'était pas à rechercher. Bon, elle foutait deux trois tatanes aux nazis. Il y avait ses bracelets, il y avait son lasso qui fait parler les gens. Et puis, il y a une espèce de bandana où elle jette, et puis que... Son diadème. Le diadème. Qui apparemment a assommé ses ennemis. C'était un batarang pour Wonder Woman. Hein. C'est ça. Mais toi, est-ce que t'as vu des épisodes et qu'est-ce que ça t'a laissé comme souvenir? J'en ai vu des épisodes. Le problème, c'est que j'étais trop jeune. Moi aussi. Donc forcément, comme je les ai vus, j'étais très jeune. Je prenais ça au deuxième degré, c'est-à-dire que elle arrivait, elle pétait la gueule à tout le monde, puis fin de l'épisode, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu, c'est la trame normale. Hein. C'est découverte de l'affaire, difficulté, super vilain qui maîtrise la situation, retournement de situation, elle bat le super vilain. Enfin, c'était toujours sur le même scénario. Mais j'en ai quand même un bon souvenir. Mais je pense que du coup, j'étais pas le public visé, parce que c'était pas très adulte dans les scénarios, mais enfin c'était quand même plus pour les ados que pour les tout petits jeunes de 5-6 ans comme moi. Ouais, non, c'est sûr que moi je sais pas, parce que j'étais aussi jeune aussi comme toi, mais cette série elle est souvent passée à la télé et je regarde, c'est un peu comme les séries de filles, tu sais, tu t'identifies pas vraiment à l'héroïne. C'est un peu comme si tu regardais Drôle de Dame. Ouais. Ça s'adresse pas à nous. Hein, comme dans le Drôle de Dame, j'aimais bien quand même, mais bon. Est-ce que c'était les actrices qui attiraient l'œil plus que l'intrigue, mais. Bah, en fait, voilà, c'était des femmes fortes, indépendantes. Ouais. Et, bah, faut dire, dans les années 80-90, c'était quand même une société très misogyne, encore plus que maintenant. Et forcément, ça s'adressait aux ménagères. Hein. C'était pas spécialement pour que les mecs regardent, mais heureusement pour eux, les mecs aussi regardaient et ça cartonnait. Bah, ouais. Bah, t'avais Super Jamie aussi dans la même période. Voilà, c'était plus un faire-valoir pour l'homme qui valait 3 millions. 3 milliards. 3 millions. Maintenant, c'est ça doit être de l'ordre de je sais plus combien de milliards, mais bon. Mais voilà, quoi, sur Wonder Woman, qui reste quand même une série iconique, quoi, quelque part. Voilà, avec un personnage sexy, mais, enfin, je veux dire, quand tu regardais dans les mêmes périodes, Duke of Hazard, Sheriff Fais-moi peur, ouais. Oh, Daisy était aussi sexy que... Ah ben, bah, ouais, carrément, Diana, quoi. Je veux dire, elle a plus de sex appeal, Daisy, que Wonder Woman. C'est juste que dans Wonder Woman, bon, c'est une super-héroïne, on peut comprendre, mais ouais. Là, Daisy, c'était juste pour montrer du boobs. La pin-up, quoi, c'est la bimbo. Mais voilà, la génération pin-up, en fait, hein. C'est ça, c'est, on est en plein temps, quoi. Je pense que ça a participé au succès de Wonder Woman, de toute façon. C'est clair. Hein. Et puis, il y a aussi une bimbo aussi dans l'homme, tu parles de l'homme qui va être en mire, mais il y a aussi l'homme qui tombe à pic, où il était accompagné d'une belle blonde aussi, à un moment, l'Imageurs. Il y avait toujours le faire valoir féminin, ouais. Pour sexualiser la série à l'époque. C'est ça. Puis, attirer le jeune chaland, quoi, je veux dire. Bah oui. Oui. Bah, d'ailleurs, ça a marché, hein. Voilà qu'on parle des belles pin-up. Maintenant, on va parler d'un beau mec, c'est Mark Harris, alias Patrick Duffy de le Transfuge de Dallas. Donc, l'homme de l'Atlantide, oui. Moi je l'ai connu. Très tard, cette série. C'était dans La Une est à vous sur TF1. Enfin, je reviens souvent, mais moi je suis désolé, hein, à mon époque, avec ça à regarder. Donc, L'âme de l'Atlantide, ça faisait, de mémoire, c'était assez bidon, en fait, hein, pour moi. Bah, le problème, c'est que, bon, quand tu te connais un peu en comics, tu te dis, ah, c'est, on dirait qu'il est un peu très inspiré du personnage du prince Namor. Parce que le mec, si tu vous rappelez dans le comics, il est amnésique et il vient de l'Atlantide. À part que l'Atlantide, apparemment, dans la série, a disparu. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, je serais pas à revenir sur le background. Le background, le passif de Mark Harris. Ouais, je serais pas à revenir sur le passif de cette série, ouais. Parce que ça remonte trop loin dans mes souvenirs. Bah, le mec, le gars, il échoue sur la plage, c'est un peu ça le début. Il a des doigts palmés, il a des yeux un peu plus clairs, il nage comme un dauphin. Donc il nage très bien, même plus vite qu'un être normal. Et puis apparemment, quand il s'éloigne un peu trop de l'eau, il perd sa force, quoi. C'est ça le... Ouais, puis il peut mourir de déshydratation très vite. C'est ça. Donc il faut de l'eau, il faut de l'eau salée. Et il était toujours face à un espèce de gros type qui s'appelait le docteur Schubert, qui est un peu une espèce de Lex Luthor du pauvre et qui voulait un peu la domination. Et puis dans divers épisodes, il pouvait croiser des extraterrestres ou des personnages un peu fantasmagoriques, je dirais. Et c'est vrai que ça a gardé un côté un peu plus kitsch que certaines séries, quoi, de la même époque, quoi. Ouais, puis c'était très difficile de tourner dans les conditions à l'époque, parce qu'il devait tourner en apnée, le monsieur. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est pas comme maintenant, on a des effets numériques du prochain Aquaman où on numérise les cheveux et on peut rester dans l'eau pendant une heure. Patrick Duffy, ou plutôt la doublure, devait quand même rester dans l'eau pour les scènes, quoi. Mmh. Donc c'était quand même assez dur pour l'époque. Mais voilà, quoi, bon, c'est agréable à regarder. Il y a pas beaucoup d'épisodes parce que bon, ça a pas marché non plus. Alors moi, j'irais pas dire c'est agréable à regarder. Moi, je trouve ça très chiant. Chiant à regarder. Il se passe rien. Chacun son avis, mais moi j'ai revu les quelques épisodes, j'ai dit bon, ça passe, quoi, ça passe encore. Ouais, non, mais je trouve que ça a pas bien vieilli, on n'y croit pas, et puis en plus c'est un personnage où on n'a pas d'attache, hein, pour si on nous aurait dit Namor, prince des mers, ou Jason Momoa, un bro de l'Atlantide. On aurait su s'y rattacher, mais là, La Mark Harris ne te fait aucun effet, là. Ah, moi, la mayonnaise prend pas. Voilà, la mayonnaise, moi, je trouve ça sympathique. C'est peut-être faut peut-être mettre ça sur le compte de la nostalgie ou le fait que j'aimais bien cette série quand j'étais gamin, donc, c'est un petit peu resté, je vais dire. J'ai un peu du mal, des fois, à prendre du recul par rapport à ce que j'ai aimé, tu vois. Ouais, ou peut-être que je l'ai trouvé trop tard aussi, comme je te dis. Moi, je l'ai vu dans La Une est à vous, ça devait être dans les années 90, donc je l'ai peut-être vu trop tard et que c'était déjà kitschissime à l'époque. Moi, je l'ai vu dans les années 80, donc je l'ai découvert quand j'étais gamin. Donc, on va passer notre série on va rentrer plus dans les années 80 avec l'homme qui se transforme en panthère, le bien nommé Manimal. Manimal, une série qui compte que 8 épisodes. Moi, je pensais qu'il y avait plus que ça parce qu'il faisait tellement de rediffusions que j'étais trompé par la marchandise, je vais dire. C'est vrai que quand tu m'en as parlé de Manimal, j'ai dit, bon, non, il y avait 20 épisodes, machin. Il y en a que 8. Même pas 8. Et en fait, oui, en effet, en regardant le coffret DVD, ah bah oui, il y a que 8 épisodes. C'est vrai qu'ils nous repassaient toujours les mêmes. Donc, ouais, c'est ça. Le genre de série où on se disait, c'est des conclusions qui sont restées dans nos mémoires, bah, pour pas grand chose, en fait, parce qu'il se passe pas grand chose dans les 8 épisodes. C'est un peu comme Tonnerre Mécanique, il n'y a pas beaucoup d'épisodes non plus, hein, par rapport à Airwolf ou à K2000, si on peut comparer ces séries. Mais on nous les a tellement multi-rediffusées que c'est vrai que c'est resté dans la mémoire, ça s'est incrusté dans nos cerveaux. On a l'impression que il y a plein d'épisodes, mais en fait non. Bon, une série agréable aussi, moi je dirais, enfin, tu me diras ce que t'en penses après. Donc c'est interprété par Simon McCorkindale, qu'on connaît pas tellement, mais moi je l'avais vu dans Les Dents de la Mer 3, il se fait bouffer par un requin justement. Donc, moi il me fait penser un peu à Dirk Benedict, dans ses façons d'être. Ouais, ce que tu veux dire, c'est l'espèce de un peu de dandy. Ouais, le Playboy. Ouais. Playboy dandy. Qui a plein de thunes et qui drague des nénettes, quoi. Ouais. C'est, voilà. D'ailleurs, il met une très belle détective blonde dans ce film. Donc, on en revient toujours, hein, c'est toujours un sex interest, ce truc. Pour attirer le jeune chaland, mon ami Fabien. Mais là, elle m'a attiré, franchement, elle m'a fait de l'œil, mais bon. mais moi, quand j'étais gamin, j'étais un petit peu quand même attiré par les belles actrices. Sur FR3, justement, que beaucoup d'épisodes. Très peu de transformations parce que le budget, à mon avis, il suffit pas. Ah, de toute façon, le budget de transformation, il l'avait tourné que pour un épisode, hein. C'est toujours la même, hein, qui se transformait en serpent, en aigle, en éléphant ou en je ne sais trop quoi. En requin. C'était toujours la même base de transformation. Mm. En général, c'était panthère, aigle et... Ah oui, pour les on voyait les plumes qui sortaient du visage, ou la main qui commençait à bouger, tu sais, pour... Moi, je trouvais que les effets spéciaux étaient corrects, mais bon, c'était du recyclage d'animation à la Saint Seiya, hein. C'était toujours le même effet, etc. Ah, bah mais dans la série, on attendait tous impatiemment ce moment où il était en difficulté et qu'il allait se transformer en animal. Ouais. Puis c'est quand même assez balèze, hein. Il se transforme en... À un moment, il doit se contracter, il doit perdre du poids, il doit grossir pour se transformer en bête énorme. C'est impressionnant, quoi, je veux dire. Ouais, je veux dire, il n'y a rien à envier à Changelin, hein. C'est-à-dire que le poids rapport... Il se transforme en serpent, même à un moment. En serpent, je suis plus sûr, mais je sais que, par exemple, il se transforme en aigle. Oui. Et à un moment, il se transforme en éléphant. Donc, d'un point à l'autre... Bon, je pense que ça pose un problème, mais bon. Ça doit être les mêmes qui ont fait Ant-Man, hein. Le poids, ils s'en foutent. Donc, pour parler des effets spéciaux. En plus, non, c'est exactement ça. Je reviens sur le scénario. Ouais. Il a hérité ça d'un guerrier d'Afrique qui savait se transformer. Donc, ouais, c'est vraiment ta gueule, c'est magique. C'est les sorciers d'Africains, c'est ça. Ouais, un peu vaudou même, hein, il me semble. Donc pour revenir un peu, une anecdote pour les effets spéciaux, ils ont été réalisés par Stan Winston, qui est quand même une figure assez marquante des effets spéciaux. On y reviendra dans un prochain dossier d'ailleurs. Et Stan Winston, on lui doit notamment la création du Predator, du Terminator et de l'Arena Aliens, et aussi de l'armure d'Iron Man dans le premier Iron Man. Donc c'est quand même une grosse tête, un peu à l'instar de Rhea Harryhausen pour ces petites créatures, quoi. Voilà, quoi, pour Manimal, y a pas grand chose à dire à part que c'est une série qui s'inscrit dans ces séries un peu fantastiques, super-héroïques, on va dire. On nous servait beaucoup de trucs comme ça. Ouais. Soit c'était des super-héros, soit des gens qui avaient un talent très particulier, comme MacGyver, des équipements très particuliers, comme Knight Rider, ou Supercopter, ou Tonnerre Mécanique. Vous pouvez retrouver d'ailleurs nos commentaires sur la précédente émission, consacrée à la science-fiction, où on parle de ces séries motorisées. Un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Allez, on va repasser, puis je vais te laisser la main, là, parce que moi, j'ai pas beaucoup vu Superman's Misfits. Ah, donc ouais, Superman's Misfits, c'est resté vraiment très confidentiel. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Peut-être parce qu'il y avait Madame Courtney Cox dedans. Courtney Cox, ouais, faut quand même se souvenir qu'elle avait une vingtaine d'années. Bon, avec ses grands yeux bleus, c'est vrai que ça faisait un certain effet. Donc je pense que ça doit être pour ça, parce que dans Friends, c'est mon actrice préférée, donc voilà. Et dans Scream, t'as pas vu Scream, toi? Ah non, j'ai pas vu Scream. Ah bon, bref. Les films d'horreur, faut que je lève de bonheur, faut que j'en vois. Le dernier film d'horreur que j'ai vu, c'est l'élection de Macron, ça m'a suffi. T'as pas recommencé. Donc Misfits, c'était l'histoire de 4 personnes, dont 3 de ces personnes avaient des super pouvoirs. Donc la nénette jouée par Courtney Cox, je vais me prendre une claque de la part des féministes, moi. Pas émo, alors. Avait des pouvoirs télékinésiques. Ouais. Le grand Black voulait jouer au basket et pouvait se réduire à la taille d'une fourmi. C'était Ant-Man, quoi. C'était pas Ant-Man, à la taille d'un verre 25 centilitres en moutarde. Ah, d'accord. Et après, l'autre balançait des éclairs. Hein. Donc, on avait Psylocke, Thor et Ant-Man. Ou en fait, c'était du plagiat de super-héros, quoi, non? C'était du plagiat de super-héros, ouais. Et dans tout ça, t'avais un mec qui les gérait et qui me faisait penser un peu à Fonzie dans sa façon d'être. Ah, d'accord. Toujours veste en cuir et tout va bien se passer, etc. Mmh. Puis voilà, c'était des super-héros qui résolvaient des affaires avec leur capacité extra-sensorielle, je vais dire. C'était le club des 5, quoi, un petit peu, non? Bah, ils étaient 4, donc c'était le club des 4. Hein. Et puis voilà, les effets spéciaux étaient corrects, hein. Ouais. Quand c'était les pouvoirs télékinésiques de Courtney Cox, ça marquait parce qu'on faisait juste un gros plan sur sa gueule en train de se concentrer. Ah bon, sur les yeux peut-être, peut-être qu'il profitait des yeux. Ouais, et c'est, je sais pas pourquoi c'est une série qui m'a marqué autant, parce que ben c'est quand même resté. Bah, Courtney Cox. Ah, ça doit être pour ça. Mais pour revenir sur l'acteur noir que tu disais, là, il s'appelle Kevin Peter Hall. Et il faut savoir que c'est lui qui a endossé le costume du Predator dans les deux premiers films. Donc le mec est assez balèze. Il fait, je crois que c'est un ancien basketteur où on voit qu'il a la carrure pour le Predator, quoi. Voilà. Bah, en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur cette série. Non, c'est vrai que t'as l'air un peu. Bah, c'est resté confidentiel. Les épisodes, c'était toujours les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes trames que tous les épisodes des années 80. Hein. Mmh. Super vilain, on expose la situation, on retourne la situation et on sauve le monde. À part parler de nos coups de cœur d'actrice, il n'y a pas grand chose à dire. Bah, je vais te laisser aussi la parole pour Flash parce que moi, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes non plus. Ah non, moi, j'arrête l'émission là. On a parlé de Courtney Cox. C'est fini, je me casse. Flash, attention, hein, pas la série qui vient de sortir maintenant, hein, la série qui est sortie dans les années 90, donc Flash avec John Wesley Shipp, voilà, qui a tourné dans la série Flash récente et qui joue Jay Garrick. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, c'est le père de Barry Allen dans la nouvelle. Et c'est aussi le père de Barry Allen dans, d'accord, la Terre 1, et c'est Jay Garrick dans une autre Terre. Enfin, oui, bon, on s'en fout de la série. Voilà, la Terre, c'est. Donc à l'époque, Flash très, très Tim Burtonien dans la façon d'être tourné. Ouais. Flash des années 90. Et c'est une série que j'avais adoré regarder parce que franchement, ça changeait un petit peu. Les effets spéciaux étaient moins fake que les autres séries que je regardais. D'accord. Et moi, j'aimais bien cette série. Bah, et puis voilà, le Flash, quoi. Enfin, je connaissais pas trop le Flash, hein, je savais même pas qui c'était, etc. Mm. Et je tombe sur. Enfin, je le connaissais dans Super Friends, mais on en reviendra plus tard. Et là, je trouve qu'en live action, ça rendait bien. Bah, moi, j'ai trouvé que le costume était pas trop mal. Parce que déjà, le gars avait une certaine allure. Parce que moi, celui qui fait Flash dans Grande Gustine, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il flotte dans son costume. Bah, c'est vrai que l'acteur des années 90, moi, je retiens pas les noms. Hein, était quand même assez baraque. Ouais, il y avait un profil musclé, on va dire. Ouais, et pas trop musclé non plus. Pas bodybuilder, mais voilà. La Vandame, on va dire la Vandame, quoi, un petit peu. Ouais, un plus intelligent. Mais c'est le mec, bon, c'était moulant, hein, c'est un costume moulant, faut dire ce qui est. Mais dans le Flash maintenant, c'est vrai que l'autre, c'est un ado, hein, donc. Ouais, c'est un ado, mais bon. Il a une carrure d'ado, tu prends Arrow, il a une carrure plus physique que le Flash, par exemple. Ouais, Stéphane Hamel est quand même plus, je vais dire, plus balèze, quoi. Il s'est amélioré en fonction des saisons, Hamel. Que Grande Gustine, moi, il aurait dû faire un petit peu de muscu quand même, parce que là, vraiment, on dirait le porte-manteau, quoi, limite. Ouais, il ressemble plus à un Kid Flash qu'à un Flash. Ouais, c'est ça. C'est le Flash des années 40, tu vois, plus que le Flash du DC Universe, quoi. Et pour en revenir au Flash originel, donc des années 90, quand on a digressé. Ouais, c'est quelque chose qui, moi, ça a pas trop mal vieilli. J'ai commencé à re-regarder des épisodes. Vous trouvez le coffret collector dans tous les bons sites de vente d'occasion, hein, parce que c'est quelque chose qui a vraiment bien tourné et bien sorti. Il y a pas beaucoup d'épisodes non plus, une 22, donc. Ça a forcément mal vieilli, hein, parce que c'est des méchants des années 90 à la Street of Rage qu'il y a dedans. Mais il y a quand même un épisode avec Mark Hamill qui vaut le coup, par exemple. C'était quoi le Trickster, le rôle? Je me demande si ce serait pas le Trickster. Ouais. Mm. Il est bariolé, on dirait un petit peu le. Ouais, très années 90, c'est ça. Et à la Parker Lewis, hein, c'est dans le même truc. Hein. Ouais. Mais moi, je trouve que ça a pas trop mal vieilli. Enfin, bien, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas regardé, mais. Bah, moi, ça fait. Il y a ce cachet années 90, hein, dans cette série. Ça fait vraiment Tim Burton, ça fait penser au film Batman à certains moments, parce que c'est toujours ambiance sombre, ambiance glauque et ambiance burtonienne. Et ça, ah bon, c'est glauque? Ouais, tu sais, c'est toujours des rues sombres. Est-ce qu'on y parle des termes multiples là-dedans? Bon, j'ai pas l'impression, non. Il y a un moment, on parle de voyage dans le temps. C'était assez bien tourné. Mmh. Sinon, les termes multiples, j'ai pas eu l'impression. Non, là, ils se sont pas aventurés à faire des termes multiples, quoi. Non, mais il y a quand même eu le clonage, ce qu'on va dire, effet facile. Après, voilà, l'aventure dans le temps, puis après, les super-pouvoirs, quoi. J'avais fait une rajoute, parce que moi, je considère que c'est un super-héros qui a inspiré pas mal de figures. C'est le célèbre Zorro. Un cavalier qui surgit lors de la nuit. Cours vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Vinzette qui veut dire Zorro. Bah, Zorro, c'est Batman, en fait. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas qui a inspiré l'autre, mais pour moi... C'est Johnston McCulley qui a écrit ça en 1919. Donc, Batman, c'est en 37. C'est vrai que l'inspiration... Mais vas-y, continue sur ta lancée. Ah ben non, moi je voulais juste dire que c'était moins kitsch que Batman des années 60. C'est sorti dans les mêmes années, mais je dirais même plus tôt, Zorro. Ben, Zorro, c'est la série avec Guy Williams, hein, tu parles de celle-là. Oui, celle qui passe encore sur France 3 en ce moment. Celle de Disney, ouais, en boucle d'ailleurs. Ouais, t'as l'impression qu'il y a 300 épisodes tellement il les passe. Et en fait, c'était assez précurseur à l'époque parce que t'avais le super-héros, t'avais l'alter ego un peu à la Clark Kent, c'est-à-dire je me mouille pas, tu sais, l'alter ego de la Vega, c'est je me mouille pas, etc. Puis Don voilà, Diego, ouais. Puis son alter ego Zorro, c'est l'homme avec plein de testostérone. L'aventurier, quoi. Pas l'aventurier, parce qu'il reste toujours justicier. Vraiment le justicier des orphelins et des causes perdues, quoi. C'est ça, c'est vraiment le mec qui va s'impliquer jusqu'au bout, quoi. Et puis après, t'avais le comique relief avec le sergent Garcia. Donc d'ailleurs, l'acteur qui joue le sergent Garcia était un acteur, un chanteur d'opéra, en fait. Le sergent Garcia, qui me faisait beaucoup rire. Bah, il était marrant, puis ça permettait de déplomber l'ambiance à certaines fois, parce que Zorro, il y en a pas eu beaucoup, mais il y a quand même eu des morts. En général, à chaque fois qu'on découvrait l'identité de Zorro, pic, on mourait. Donc voilà, quoi. Puis c'était sérieux sans être sérieux. Bernardo qui faisait un peu comic relief aussi. Et puis l'histoire était bien, parce que c'était un héros. C'était pas un super héros, c'était un héros avant l'heure. Puis sa relation un peu difficile avec son père, quoi. Qui s'améliore quand son père découvre que c'est Zorro. C'est ça, parce que c'est une série qui est en trois parties, en fait. Là, il y a 82 épisodes. Donc, pour revenir à ce que tu disais, c'est en 1957, le Zorro. Et là, il est colorisé, apparemment, sur France 3. Je trouve que ça fait moche, parce que les couleurs sont saturées, elles sont pas belles. En même temps, c'est sorti en VHS. Faudrait qu'il remasterise, mais je pense que ça va pas être possible. Je sais pas s'il y a un coffret Blu-ray de Zorro en noir et blanc. En Blu-ray, il y a pas. En noir et blanc, il y a une version remasterisée en DVD. D'accord. C'est pas remasterisé, c'est coloré. T'as la version colorée et la version noir et blanc. Je peux dire que la version colorée est plus agréable à regarder que la version noir et blanc, parce que la version noir et blanc est très, très, très abîmée. On peut aussi dire que il y a eu pas mal de films. Moi, celui que j'ai le plus aimé, je pense que c'est celui avec Antonio Banderas, le premier, en fait, le Masque de Zorro. Il était nul, ce film. Heureusement qu'il y avait Sean Connery pour élever. Oh, c'était pourri comme film. C'est Antonio Hopkins, le Don Diego. Voilà. Lui était crédible, mais après, l'histoire, elle tenait pas debout. C'était Zorro. Ah, on n'est pas d'accord. Alors, moi, j'ai bien aimé ce film. Ouais, le film, les scènes d'action n'étaient pas géniales. Elles étaient mal tournées. Par contre, le deuxième est catastrophique. Le deuxième, je l'ai pas vu, donc je suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé que ça passait plutôt bien. C'était Zeta Jones, l'actrice. C'est ça. Ouais, c'était un sexe interesse. Ouais. Et puis non, moi, je trouvais que c'était sérieux, c'était bien, hein, pourquoi pas que ce soit sérieux. Mais je trouvais que le jeu d'acteur et puis les scènes d'action et tout ce qui était tourné avec, c'était pas crédible. Le méchant qui cabotine à mort. Ah oui, le méchant, il est pas bon. Je suis méchant, creux. Je l'appelle Général Custer, le méchant, parce que c'est le prototype blond, arriviste. Oh, tu parles du blond parce qu'il y a aussi le père adoptif de. C'était pas pour moi. De la fille de Zorro, quoi. Le père adoptif, c'est pas le vrai méchant, hein. C'est pour moi, le vrai méchant, c'est celui qui dit. C'est le blond, le sadique, là. Ouais. Celui qui est avec les esclaves, là. Le général Cluster, quoi. Apparemment, il t'a pas laissé un bon souvenir, mais moi, je le conseille quand même parce que je trouve que c'est dans la mythologie, ça passe bien. Ouais, moi, je trouve que vous allez vous emmerder, donc ça serait bien de nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Ouais. Par contre, le 2, faut éviter parce que c'est vraiment mauvais. Bah, je l'ai pas vu. Il y a aussi le Zorro avec Alain Delon qui est pas terrible non plus. C'est plus de long que Zorro, je vais dire. Mais puis après, il y a les premiers Zorro avec Tyrone Power ou vraiment les Zorro des années 40-50 qui ont fait un peu le mythe, quoi. Et comme tu dis, l'héritier de Zorro, c'est Batman, quoi. Mais sinon, Zorro et Batman, pour moi, c'est plus ou moins la même façon, mais sans la technologie, quoi. C'est ça. C'est-à-dire seul contre tous, envers et contre tout, quoi. Puis t'as le rapprochement avec si j'ai envie de dire des rapprochements, c'est Tornado et la Batmobile, c'est la Batcave aussi. Ouais, c'est habillé en noir. C'est le fait qu'il est riche et que... Qu'il est riche et que l'argent... Il est oisif, Bruce Wayne est assez oisif. Voilà, comme De La Vega est oisif, mais sous leur couverture, tu vois, c'est quelqu'un qui s'intéresse quand même au monde extérieur et qu'il arrive à sortir de sa condition d'être privilégié pour essayer d'aider d'autres qui n'ont pas de condition, quoi. Et je trouve que dans ce thème-là, les deux se rapprochent. Bah voilà, on a fait un tour d'un grand héros pour moi. Je propose une petite interlude sur tout ce qui est live pour l'instant, donc une belle interlude sur Zorro, ça clôt bien le sujet. Puis après, on reprendra un petit peu plus tard pour parler un petit peu de plus de ce qui est animé. Donc là, on vient de faire une partie donc sur plus ce qui est live, c'est-à-dire tout ce qui a été tourné avec des vrais acteurs, si tant est que c'était des bons acteurs, mais bon. Mais après, là, maintenant, on va plus partir sur tout ce qui est dessin animé, quelque chose de beaucoup plus prolifique, hein, parce que bah voilà, niveau dessin animé, c'est quand même beaucoup moins cher à produire, et du coup, on en a quand même une sacrée tartine. Alors, dans le dessin animé, voilà, tout ce qui est dessin animé américain, ça a quand même été les précurseurs dans les années 60, puis on va aussi partir sur tout ce qui est manga, parce que c'est ce qu'il y a, enfin, c'est ce qu'il y a et ce qui est en train de maîtriser la culture en ce moment, et puis que, voilà, dans les super-héros, il y a beaucoup de mangas auxquels on pourra revenir dessus. L'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. À commencer par l'araignée, quoi. Cette fameuse série de qui est assez connue, surtout parce que le personnage a une notoriété internationale. Et l'araignée avec ce fameux générique, hein, un culte. Des graphismes un peu primaires, hein. Je sais pas si tu vois, mais des fois, quand tu regardes son costume, il manque plein de lignes ou... Bah en fait ouais, puis tu vois les animations qui sont pas animées, un peu à la Scooby-Doo avant, tu vois, c'est ça. Il manque des morceaux dans l'animation, c'est-à-dire quand l'araignée dévale un building, bah c'est l'araignée en fond plat qui dévale un building, ouais. Puis il y a rien qui se passe, quoi. Puis les proportions des fois pff, c'est moche, quoi. Après c'est les balbutiements de l'animation, ouais. À la chaîne, parce que c'est pas les balbutiements de l'animation tout court, parce que les Superman qui avaient été sortis dans les années 30, c'était quand même mieux animé. Mais là, c'était, on va dire, les balbutiements de l'animation à la chaîne qui sont faits pour faire une série. Oui, parce qu'en plus, il y avait pas mal de plans qui étaient repris. Je pense notamment à ce plan où il est suspendu à son fil et qui se dirige droit vers la caméra, par exemple. Ça, c'était super repris. Et il y avait aussi, les plans où il se baladait de building en building, quoi. En fait, tout ce qui était un peu visuellement beau, visuellement bien fait, etc., ouais, c'était toujours recyclé. Recyclage d'animation. Technique qui n'a pas changé, on en reparlera plus tard. Ouais, c'est Seiya ou Dragon Ball, c'est des tout techniques qui n'ont pas changé. Mais bon, dans l'ensemble, on retrouve les principaux vilains de l'univers, hein, que ce soit le Docteur Octopus, le Bouffon Vert ou le Lézard. Mais c'est vraiment des méchants qui sont caricaturaux, quoi. Alors, on va falloir parler de la Fédération française au niveau de la caricature. Parce que Pierre Parker, moi, c'est quelque chose qui m'a choqué. C'est vrai, t'as raison. Je me souvenais plus qu'ils avaient traduit son prénom par Pierre Parker. Ouais, effectivement. Hein, et puis t'as Pierre Parker qui se fait gauler par le Docteur Octopus. Et puis le Docteur Octopus dit « Je t'ai attrapé, l'araignée !» Donc déjà ça, ils avaient traduit. Spider-Man a traduit en araignée. Ouais. Et après, quand il appelait le Docteur Pieuvre, quoi. Donc c'est horrible, ils avaient tout traduit. Donc je veux bien que dans les années 60-70, en France, on avait essayé de... C'est sorti en 77, de mémoire, en France d'ailleurs. Donc on avait essayé de maintenir la langue française. Il y a 10 ans de retard, quoi. Attendez, il y a un truc, ça se passe à New York. Enfin, maintenez pas la langue française, ça sert à rien. Ah bah c'est clair que ça se passe à New York. On voit l'Empire State Building dans le générique, hein, en plus. Ah puis c'est sûr, il y a des buildings partout, c'est pas Dunkerque. Mais c'est vrai que c'est un peu kitsch, hein, comme dessin animé. Ça a très mal vieilli, hein, quand tu regardes ça. Puis c'est très mal doublé. Hein. Ouais. C'est vrai que le doublage aurait pu rehausser le niveau, mais là, c'est pas du tout le cas, quoi. Ah, puis je sais pas, les voix sont nasillardes. Oui, hein, oui. Bon, c'est mal doublé. De toute façon, c'est pas mieux avec les 4 Fantastiques dont on va parler après. Hein. Avec le générique qui est chanté par Noam, qui était quand même une voix assez reconnue dans le milieu, vu que... Ah, je pense que je vais vous mettre un échantillon du générique, quand même. Les 4 Fantastiques, nous protègent du mal. Voilà, quand on entend ça, on sait qu'on va passer un très bon moment à regarder le reste, quoi. Ouais, bah parce que, bon, pour revenir à Noam, c'est que il a eu pas mal de dessins animés, dont Goldorak, c'est lui qui a chanté le premier générique. Ce qui est étonnant, c'est que c'est Anna Barbera qui produit les 4 Fantastiques, mais c'est pas Anna Barbera qui produit l'araignée, quoi. Et c'est le même type de graphisme et le même type de dessin. Bah, ce que je t'avais dit, c'est que Spider-Man, c'était du graphisme à la Scooby-Doo. Mmh. Là, avec les 4 Fantastiques, on s'en rapproche. Sinon, à l'époque, entre les deux, t'avais genre Iron Man, ça avait sorti aussi en live. Pas en live. En dessin animé, mais c'était plus des pages de comics matérialisées et des morceaux qui bougeaient. C'était assez bizarre. C'était des plans fixes animés. C'était assez étrange. Faudrait que vous regardiez des Iron Man de cette époque-là, mais c'était des planches de dessin où on avait l'impression qu'ils avaient découpé un morceau dans le dessin et à la South Park, quoi, qu'il le mettait sur la tête d'Iron Man, par exemple, quand il mettait son casque ou des trucs comme ça. Donc tu vois, t'avais que des plans fixes comme ça, travaillés vite, ou alors des dessins mal dessinés, travaillés vite aussi. Il y a les proportions qui n'allaient pas, quoi. Ah oui, là, les proportions, quand il passait à travers une vitre, Spider-Man, la vitre, c'est la taille de son pied, il passait à travers, quoi. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme truc. Ouais, c'est pareil pour les 4 Fantastiques, hein, les pouvoirs de la femme visible, ou de l'homme élastique, ou la torche humaine, ou Ben Grimm, la chose. Ah, Ben Grimm, qu'est-ce qui était mal animé. Ah oui, mais complètement. On aurait dit un tas de briques, quoi. Un tas de caillasse, ouais. Ouais. C'est pas beau, c'est, je sais pas, c'est immonde, quoi. Pourtant, bon, le 4 Fantastique, non plus, n'a pas eu non plus les grandes faveurs du cinéma, hein, faut le dire, hein. En même temps, voilà, il y a eu un 4 Fantastique qui est sorti, qui est resté très confidentiel, que je pense, de toute façon, personne n'arrivera jamais à trouver. Mauvais, celui-là, ouais. Parce qu'ils avaient besoin de faire un film pour garder la licence. Après, on a eu les 4 Fantastiques qui sont sortis. Avec Chris Evans, d'ailleurs, dans le rôle de la Torche Humaine. Voilà, il était passable. Il était pas dégueulasse, mais il était passable, sans plus. Ouais, le problème, c'est Docteur Doom dans le film, quoi. Ouais, voilà. En plus, c'était le mec de Charmed. Alors moi, à chaque fois que je le voyais, je pensais à Charmed. Ce qui tournait exactement de la même façon. Le surjeu dans son attitude, c'était horrible, horrible, quoi. Ouais, j'ai l'impression de voir Balthazar à chaque fois. Donc, j'ai dit, bah, ouais, ça m'avait pas passionné. Puis, on va pas parler du versus le Surfeur d'Argent, le numéro 2, parce que alors là, c'était la fin des haricots. Ouais, c'est vrai que, bon, le Surfeur d'Argent était bien animé. Par contre, au niveau Galactus, on a été très, très, très, très, très déçus. Bah, ils avaient plus de sous. Bah, on a plus de sous. Bah, fais un nuage, c'est bon. Donc, ça me rappelle un peu le vide interstellaire de Spawn, quand il a fallu animer Malibuja, quoi. En fait, voilà, du coup, le film numéro 2, quand ils ont fallu animer Galactus, ça me fait penser au dessin animé de l'époque, parce que c'était l'animation vite fait. Hein. C'est ça. Ben, c'était des CGI, mais pour moi, c'était pas génial du tout dans le film. C'est bien que ça se rapprochait du coup de la dessin animé de l'époque. Le Iron Man que tu parles tout à l'heure, il est sorti en France. Je sais pas te dire s'il est sorti en France, parce que malheureusement, je l'ai vu que dans une émission. Donc, on parlait un petit peu justement des dessins animés de l'époque, de ce qui se faisait par rapport au Japon, par rapport à la France et par rapport aux États-Unis. Une émission que je vous conseillerais si j'arrive à retrouver le titre un de ces jours. Et en fait, ça nous parlait justement des animations graphiques de l'époque. Et les trucs américains étaient tournés à la chaîne, mais les mangas à l'époque au Japon étaient tellement confidentiels que les moyens de comparaison sont pas terribles. L'animation était quand même assez fauchée. Par contre, le problème, c'est que en comparaison de tous ces dessins animés qui sont arrivés dans les années 80, 77 et 80, entre temps, on a eu quand même des Albator et des Capitaine Flamme qui sont quand même beaucoup mieux animés. Donc ça fait une différence énorme au niveau visuel. Pire, c'est que dans les cadences de travail, les Japonais avaient plus de cadences de travail avec des dessins mieux tournés que les Américains. Ouais, même dans les années 70, je suis sûr que les graphismes étaient beaucoup mieux. Tu prends par exemple Albator en 76 de mémoire. 78 quoi, Albator. 78. Voilà, c'était quand même beaucoup mieux tourné que ces dessins animés-là. Il y a quand même 10 ans d'écart. Mais le japonais n'est pas pareil que l'américain. L'américain est là pour vendre les BD derrière et pour vendre peut-être des figurines de Spider-Man ou quelque chose comme ça. C'est ça. Le japonais est là pour créer une œuvre. C'est pas la même chose. Comparaison, si, on a eu un problème, c'est quand Spectreman est sorti sur les écrans français. Alors qu'il était sorti en 71 de mémoire sur les écrans japonais. On a toujours tout eu en retard. Tout ce qui vient du Japon, on l'a eu en retard. On a eu Spectreman, XOR en même temps, et puis c'était pas du tout pareil, quoi. Il y avait en plus une décennie d'écart entre les deux, je pense. C'est ça, c'est catastrophique, quoi. Et quand on a eu les premiers Bioman, ça a tranché aussi. Est-ce qu'on avait du Spectreman encore qui était diffusé? C'est ça. Et c'était pas pareil, quoi, du tout. Spectreman, quoi. Même Ultraman, qui avait été quand même confidentiel en France, mais qui avait réussi à sortir, bon, c'est un peu kitsch, quoi. Ouais. Un peu beaucoup. Pour aller de ce décalage, c'est qu'en France, on a découvert sur le tard aussi la série Star Trek classique, alors que le deuxième film sortait sur les écrans. Après Star Trek, c'est vrai qu'en France, il a fallu attendre longtemps avant de la voir. 82, la première diffusion en France. Donc près de 20 ans après. Donc forcément, quand on a commencé à regarder ça, je comprends pourquoi les Français ont trouvé ça nul. Ouais, pourquoi les films Star Trek ont fait des bides au cinéma finalement. Parce qu'ils ont cru que c'était aussi bidon, aussi kitsch que la série finalement. Voilà, donc forcément, t'as donné pour envie d'aller voir. Non. On te sort une bouse d'il y a 20 ans, on te fait un film derrière, on te dit c'est de la même génération, forcément tu vas pas le voir. Pareil. Tandis que non, les films étaient plus travaillés. Ouais, c'est ça que visuellement c'était quand même un niveau au-dessus. Voilà quoi, un petit aparté pour dire que la France a toujours eu un train de retard. Une décennie de retard sur certains animes ou de séries ou de films. On va passer, je te passe la parole pour une émission qui s'appelait en français Le Plein de Super, Super Friends. Encore du Hanna-Barbera de mémoire. Donc, la première fois, on a vu la Justice League, même si ça s'appelait pas comme ça. Donc, des super-héros hauts en couleur, c'est-à-dire Batman avec une voix de... une voix très caricaturale. Un Superman complètement donné, une voix de débile. Il est mièvre, quoi. Ouais, il était tout à fait mièvre. Wonder Woman qui servait à pas grand-chose non plus. Des jumeaux qui se touchaient, qui pouvaient se transformer en quelque chose quand ils se touchaient la main. Donc, ils se touchent la main, ça va. Ouais, qu'ils se touchent pas autre chose. Ouais, ouais. Ça, c'est pas Game of Thrones, hein. Et voilà, le plein de super, on nous a balancé des super héros et des super vilains qui méritaient le coup d'œil, mais c'était tourné à la Hanna-Barbera et pris à la dérision. Ouais. Notamment ce fameux épisode avec Mizzenplique où où ils transformaient les super-héros en yo-yo glacé ou des trucs comme ça. Ah donc, bon, ouais, c'est vraiment du divertissement de vraiment pour les gamins quoi. Bah Scooby-Doo c'était même mieux tourné. Ouais, il y avait aussi Robin et Aquaman dans le lot là. Ouais, enfin qui faisait de la figuration. Aquaman blond hein, parce que depuis il a des longs cheveux et il s'appelle Momoam. On voit qu'on verra à la fin de la en décembre 2000 prochain. Super Friends. Il y a pas grand-chose à c'est raconter. C'est mineur quoi. C'est mineur si on veut attaquer là-dessus pour connaître la Justice League. C'est pas ça. On part directement chez les X-Men. Je te redonne la parole parce que moi les Tortues Ninja je connais pas vraiment. Donc c'est une série qui s'appelle Tortues Ninja et les Chevaliers d'Écailles. Adaptation du célèbre comics qui est à la base quelque chose d'assez violent. Hein. Ah justement, c'est pas une adaptation du comic, hein, c'est plus une inspiration du comics. D'accord. D'ailleurs, c'est dans les Tortues Ninja où il y a les bandeaux de couleurs les premières fois. Parce que dans le comics, ils ont tous le même bandeau, par exemple. Et là, que ce soit Donatello, Raphaël, Leonardo ou Michelangelo, il y a des bandeaux de couleurs pour les différencier. Donc ça a mis ça dans le comics. Avant, il n'y avait que les armes qui les différenciaient. Parce que là, dans les dessins animés des années 80, donc Tortue Ninja, c'est beaucoup moins violent. Parce que c'est vrai que dans le comics Tortue Ninja, les tortues pétaient vraiment des gueules, hein, au sens littéral. Hein. Il n'y avait pas beaucoup qui s'en sortaient intacts. Tandis que là, c'était plus enfantin. Et puis, moi, je trouvais que c'était une bonne série dans les premières saisons. C'est les bouffeurs de pizza. Quoi. Ouais, c'est les bouffeurs de pizza, puis c'est des ados. Ouais. Donc ça s'adressait aux ados. Donc il y avait de la baston, il y avait bouffer des pizzas, il y avait de l'humour. Bon, ça reste de l'humour des années 80. Mmh. Et une April O'Neil qui servait qu'à se faire sauver. La journaliste en jaune, là. Ouais, la journaliste qui est tout en jaune. Et puis Werner qui est toujours en train de pleurer parce qu'il lui arrive des trucs. D'accord. Et Splinter, voilà, qui était l'ancien maître ninja, qui se fait toucher par un rat radioactif. Non, mutagène. C'est-à-dire qu'il touche un rat après avoir touché du mutagène. D'accord. Et il se transforme en guerrier. Alors que dans la BD, le rat Splinter touche du mutagène, se transforme en humain, lit des articles de Kung Fu et devient expert en arts martiaux. Ben sinon, non, Tortue Ninja, c'était vraiment une série qui était bien. Ouais. J'ai adoré. Est-ce que t'as vu les autres? Alors j'ai vu aussi les versions de Nickelodeon. Alors moi quand j'ai vu que c'était Nickelodeon qui avait repris, j'ai dit c'est hors de question que je regarde ça. Ça va être un truc débile pour me vendre des jouets. Non, ça va, ils ont su remanier un petit peu l'univers. Et en plus, je veux dire maintenant April c'est une Konoichi par exemple. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est pas la Nénette qui est juste là pour se faire sauver. Alors que c'est une Konoichi, elle est là pour s'accomplir et après elle devient aussi puissante qu'une tortue quoi. Donc elle sait se battre grâce aux enseignements de Splinter. Dans la version Nickelodeon, ça se voit que c'est assez moderne parce que les personnages évoluent. T'as quand même les tortues, une des tortues qui est amoureuse d'April. Bon, ça se fera jamais parce que c'est une tortue. Hein. C'est pas comme Howard the Duck quoi. C'est pas comme le Captain John Harkness. Hein. C'est pas des pansexuels ou qui couchent avec tout ce qu'ils peuvent. Là, c'est vraiment rester enfantin. Et donc dans les Tortues Ninja de Nickelodeon, moi je peux vous le conseiller. C'est un peu redondant, hein, je vous l'accorde. Mais moi je pense que l'évolution des personnages est plus intéressante. C'est la série en 3D ou c'est une série encore en 2D celle-là? C'est de l'animation faite à l'ordinateur, c'est ce qu'on fait maintenant quoi. Bah déjà il faut savoir qu'au cinéma il y a eu beaucoup d'adaptations, il y en a eu 5. Déjà il y a la première trilogie, qu'est-ce que t'en penses de cette Alors trilogie? Moi j'ai tout vu les adaptations, la première je peux vous la conseiller. Les tortues sont bien, les bastons sont bien, l'humour est bon, voilà, c'est d'humour attardé adolescent, mais pour l'époque ça passait bien. Et puis les scènes d'action sont jouissives, donc là je peux vous le conseiller. Le 2 ça reste bien, hein, les scènes de baston sont correctes, l'humour est toujours plus ou moins pareil. Par contre le 3 je me suis demandé ce que j'étais en train de regarder. C'est le voyage dans le temps, ça, c'est quand ils reviennent au temps des samouraïs. Donc ouais, je vais même pas vous le raconter le 3, hein. Laissez-vous la surprise vous-même. Moi, quand je suis sorti du ciné, je me suis demandé qu'est-ce que je venais de regarder. Donc les tortues avec un humour débile, les scènes de baston qui ont même pas lieu d'être, hein. C'est pas vraiment des scènes de baston. Ça me fait penser à un Super Sentai, en fait, Tortue Ninja 3. Ah ouais. Et après, veut dire l'humour raciste. Quand il dit aux japonais ferme-la Nagasaki, putain, même moi, j'ose pas la faire. Celle-là. C'est même pas une réplique mal tournée en français, c'est vraiment l'humour du film. Quoi. Et du coup, avec la série Tortue Ninja 3, hein, c'est-à-dire avec le beau film Tortue Ninja 3, ils ont dit voilà, ils se sont fait défoncer par la critique, ils se sont fait défoncer par le public, ils se sont fait défoncer au box-office, le film a fait un bide, du coup, ils en ont fait une série. Une série live? Une série live. Ah bon? Bon, attends, je vais te dire celui qui a tourné la série, tu vas comprendre. Donc, Haïm Saban. Le mec qui récupère, le mec un peu qui déterre les cadavres, quoi, c'est ça? Celui qui a tourné les Power Rangers. Ouais. Il y a même eu un crossover entre la série Tortue Ninja et Power Rangers dans l'espace. Bon, après, pour avoir mon point de vue, vous pouvez regarder l'épisode du joueur du grenier sur les Tortue Ninja. Voilà, entre Tortue Ninja et la série, vous avez exactement mon point de vue, ça se raccorde précisément sur ce qu'il est en train de parler. Donc, tu veux peut-être dire un mot sur les deux derniers, là, en film? Alors, le premier produit dernier par film, Michael Bay. Michael fucking Bay. Donc le premier était correct, mais c'était pas transcendant. Faut y aller avec un esprit, pas s'attendre à voir grandiose. Tu vois, c'est ça. Tu passes un moment, on peut pas dire bon moment, mais ouais, ça se laisse regarder, mais c'est tout. Ouais. Ouais, t'es con... pas par que les tortues, je les ai trouvées flippantes et dégueulasses, mais sinon ça se laisse regarder. Et au niveau effets spéciaux, les parce que c'est du capteur de performance capture, je crois le. Ah, ça le se voit que c'est du performance capture, ouais. Puis c'est, je sais pas, les mouvements font pas très tortue, notamment quand ils prennent un shoot d'adrénaline. C'est pas naturel, quoi. Je sais pas, on dirait des ados sous testostérone, quoi. C'est, ça fait bizarre à regarder, je trouve. Je sais plus s'il y a une scène, si c'est dans le premier ou le deuxième, il y a une scène avec quand ils descendent, ils font de la luge ou quoi. Ça, c'est dans le deuxième. C'est dans le deuxième, celui-là. Donc, ça, c'est dans le deuxième, et c'est plus fandard, le deuxième. Ouais. Parce que dans le premier, non, ils tombent d'un immeuble en se raccrochant à une antenne, et puis ils se racontent leur vérité en tombant. Voilà, ça essaye de faire de l'humour, c'est un peu raté, ou la scène dans l'ascenseur où ils font de la musique, du beatbox, quoi. Donc, moi, le premier Tortue Ninja, bon, c'est pas quelque chose qui m'a emballé, hein. Si, j'étais emballé à aller le voir, fallait absolument que j'aille le voir, mais je veux dire, bof. Après, le 2, ben, j'ai été le voir quand même, hein, j'y pars acquis de conscience, et j'ai adoré le numéro 2. C'est un film, pareil, hein, il se prend pas au sérieux, et ça fait un gros fuck à la critique, et c'est un film qui littéralement dit coucou les fans, regardez, on vous met tout ce que vous aimez bien. Ah oui. Et puis, du coup, mais on te le met vraiment d'un air comique, quoi. C'est-à-dire, on va te mettre Bebox et Rocksteady, ils étaient débiles dans la série, on va te les mettre débiles dans le film. Il y a Krang dedans, je crois. Ouais, et il y a Krang dedans qui est totalement taré. Ouais, j'ai adoré. Il y avait le Shredder dans le premier qui était pas terrible. Bah, le Shredder, il fait une apparition parce qu'il se fait congeler. Du coup, ça sert à rien. Ouais. Donc, t'as tout un épisode où il libère Shredder qui était bien tourné. Puis après, il se fait congeler comme un poisson picard. Donc, Que moi, j'ai pensé, dans le même genre, c'était G.I. Joe. Tu sais, un peu ce film léger. Beaucoup d'effets spéciaux, un peu décomplexé, tu vois. Moi, dans le numéro 2, ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté. Dans le premier, il se prenait la tête, tu vois. Il faudrait ça. Faut de l'enjeu, etc. Dans le deuxième, ils sont arrêtés de prendre la tête. Il y a des incohérences incroyables dans le scénario. Ouais. Mais conclusion, t'accroches bien parce que ils sont là pour te faire marrer, en fait. Dans le premier, ils sont là pour être sérieux. Et dans le deuxième, c'est allez les fans, vous avez bien mérité un crank dans un film. On va vous faire kiffer. Et moi, du coup, j'ai adoré le numéro 2. Tu vois, comme t'es fanboy, peut-être que t'as plus adhéré que les autres, non? Ah oui, puis j'étais mort de rire parce que c'est bourré de références. Ah ouais. Et puis ça va, c'était pas t'as aussi. C'était pas aussi lourd que dans Ready Player One. C'est-à-dire que les références, si tu les connaissais, tu les voyais. C'est difficile de faire que plus que Ready Player One, excuse-moi. Mais... Donc les références, si tu les connaissais, tu les voyais. Ouais. Si tu les connaissais pas, ça te gâchait pas le film. On a un peu fait tour de l'univers Tortue Ninja. Mais la série télé, les Chevaliers d'Écailles, les 2-3 premières saisons, vous pouvez y aller. Hein. Vous n'ennuierez pas trop. Il y a quand même quelques clichés dedans. Mais ça reste des années 80-90 où le but du jeu, c'était de divertir le public, pas de le faire réfléchir. Ouais, c'était un vrai cartoon, l'esprit du cartoon quoi là-dedans. Bah, tu gardes la main parce que moi, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes. C'est la série animée Batman qui est devenue culte après la sortie des films de Tim Burton. Bah, ils ont directement enchaîné, Warner a enchaîné directement pour produire cette série qui est devenue vraiment un objet d'attendissement pour les fans quoi. Alors Batman, moi rien que quand j'entendais ce générique. Voilà, avec ce générique, je savais que fallait que je reste devant ma télé, quoi. C'était, moi, par contre, je l'ai connu sur la version FR3 qui passait avant le journal télé. Et je veux dire, c'était super comme série. J'adorais comment c'était tourné. J'adorais le Batman super sombre, super dark, super sérieux, tu vois. Puis, franchement, moi, c'est une série qui avait posé des bonnes bases. La série d'ailleurs qui a fait connaître Harley Quinn. Ouais, moi, c'est la série Batman. J'ai adoré. Je trouve que c'était, les histoires étaient bien, c'était bien tourné. C'était pas abusé comme dans les Batman de 66 où ils sortaient un spray anti-requin par exemple ou des trucs comme ça, ça restait sérieux et puis c'était super bien tourné quoi, ça s'approchait d'un univers Tim Burton, alors ça arrivait à s'en décaler aussi et puis voilà, le personnage était quand même assez torturé. Ouais, puis il y avait une espèce de... J'ai l'impression que c'était quand même une série qui s'est assez glauque. Je pense au personnage de... qui est dans les égouts, là, à un moment. Killer Croc. Ouais, c'est ça. Bah, t'as même le Joker qui pète la gueule à Robin dans cet épisode, quoi. C'est même très un peu violent, parfois. Bah, c'est une grande série, parce qu'elle a fait 3 ans, une centaine d'épisodes. Il y a un thème qui est signé Danny Elfman, d'ailleurs, qui était le compositeur des 2 premiers Batman. Donc, le thème est resté quand même dans les mémoires. Et le Batman, c'est c'est le dessin en V, quoi. C'est le un peu comme dans le Superman qui suivra, quoi. Bah d'ailleurs dans ces dessins animés-là, tu vois que tu prends Batman ou Superman, juste une petite anecdote. Ouais. Quand tu vois Batman ou Superman en costume, ils sont baraqués. Mais quand tu les vois en civil, ils sont encore plus baraqués. Ouais. Ça c'était marrant. On dirait que le costume va se déchirer, quoi. Ouais. Quand il met son costume cravate, et t'as l'impression que s'il tend un peu trop, ça va faire comme Dwayne Johnson, tout va exploser. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de références dans ces épisodes aux comics. Énormément. Mais ils ont réussi aussi à se détacher du comics. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu retrouves des arcs narratifs particuliers, quoi ? Je serais pas te dire, parce que moi, les comics, je les connaissais pas. D'accord. Donc forcément, je pourrais te dire qu'à partir de maintenant, qu'il y a des arcs narratifs qui se rapprochent de la série de 93, enfin 93 sur France 3, mais je serais pas te dire qui a copié qui. Voilà quoi, ce qu'on pouvait dire, et puis tu le recommandes, hein, chaudement, hein, quand même. Alors moi, Batman de 93, je vous le recommande, je trouve que ça a pas trop mal vieilli. Bon, après, voilà, ça reste du dessin animé gothique, on va dire, hein, c'est-à-dire grandiose, grandiloquent, des bâtiments qui font des centaines d'étages, hein, je dirais, et puis des autoroutes à 50 mètres du sol, enfin, ouais, vraiment comme dans un Burton, quoi. Et je crois qu'en VO, le Joker est doublé par Mark Hamill, si je me souviens bien. Mais il y a eu pas mal de séries Batman après. Il y a Batman Beyond et... Batman Beyond, c'était avec Terry McGinnis. Ouais. C'était correct quand même à regarder. Mm-hmm. Moi, j'ai bien aimé parce que ça restait assez sérieux. Ça arrivait encore à se rapprocher du Bat de 93. Mm-hmm. Moi, j'aimais bien. Bon, le personnage de Terry McGinnis était plus ou moins attachant. Je dirais quand même moins que plus. C'est celui qui remplace Bruce Wayne, alors? Ouais, il remplace Bruce Wayne parce que Bruce Wayne est malheureusement vieux. Ouais, vous inquiétez pas, hein, je peux vous spoiler, Deus Ex Machina, il va redevenir jeune grâce à la source de Lazare. Mais bon, voilà, quoi. Ça reste quand même assez sérieux, et puis, ça fait du bien de voir un super-héros qui a besoin d'un mentor, quoi. Je veux dire, t'as quand même Wayne qui le sauve de certaines situations, mais rien que par l'esprit tactique de Wayne que Guinness va devoir à avoir pour être un vrai Bat. C'est vrai qu'il y a une pléthore de séries animées. Après, t'as Batman, l'Alliance des héros, où là, c'est plus comique, c'est-à-dire c'est plus un prétexte pour montrer les super-héros de chez DC. Mmh. Non, les héros de chez DC, d'accord. Pas la Justice League. Après, ouais, t'as la Justice League, hein, ça, mais là, c'est plus, c'est pas vraiment du Batman, c'est plus la Justice League en elle-même. Ouais. Et après, t'as Batman... Batman, il y a une série The Batman. T'as Beware The Batman, par exemple, donc qui est sorti, et là, j'ai moins accroché tout de suite, parce que... Bah, ça se concentrait aussi sur les personnages de Katana, sur le personnage du mec qui peut devenir tout ce qu'il veut en produits chimiques, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Et là, du coup, là, j'ai moins accroché. C'est plus de l'Alliance des héros, des Birds of Prey ou des trucs comme ça, et j'ai moins accroché. Il y a les Birds of Prey, parce qu'il faut quand même signaler qu'il y a eu cette série Birds of Prey. Enfin, on va pas non plus s'étaler, parce qu'on le fera certainement l'année prochaine sur le dossier Batman. Tu vas nous parler de la série X-Men maintenant, on va passer du DC à Marvel. Ah, série X-Men. Moi, je l'ai connu sur Fox Kids, donc un peu tard. Mais je veux dire, voilà. Encore une fois, un générique super, super bien tourné. Des épisodes avec un fil rouge. Hein. Fallait suivre du début à la fin. Il n'y avait pas d'épisode qui coupait. C'est-à-dire que pour une saga Apocalypse, si tu ratais un épisode, il y a des moments où tu comprenais plus trop où ils voulaient en venir. Et puis après, il y avait des crossovers avec, par exemple, les X-Men et Spider-Man à un moment. Mais alors, je sais plus si c'était dans la série Spider-Man ou X-Men. Mmh. Et puis voilà, c'était quelque chose qui était bien tourné. C'était bien prenant. Les univers des BD étaient bien respectés parce que de toute façon, le scénario, ils n'avaient pas le temps de s'emmerder. C'était le scénario des BD, donc à chaque arc. Il y a une période où ils voulaient faire Onslow, mais bon, ça s'est mal goupillé. Du coup, c'est juste Xavier qui s'en va dans l'Empire Shi'ar. Bah, moi, je me souviens parce qu'il y a certains épisodes qui font référence au Phénix Noir à un moment. Et aussi, je crois qu'il y a une adaptation de Days of Future Past aussi. Non, alors là, tu confonds avec Wolverine et les X-Men. Ah, d'accord. Là, c'est sorti beaucoup, beaucoup après. Ouais, c'est ça. Mais dans les X-Men traditionnels, je crois qu'il y a quand même la saga du Phénix Noir dans le. Il y a la saga du Phénix. Il se fait alpaguer par les Shi'ar qui veulent détruire le Phénix, donc ils détruisent le Phénix, donc ils détruisent Jean Grey, et Jean Grey retourne à la vie parce qu'en fait on peut donner sa vie pour sauver une vie dans l'Empire Shi'ar, c'est-à-dire que le Phénix est d'accord pour prendre la vie de quelqu'un, enfin c'est comme ça qu'ils comprennent les X-Men, prendre la vie de quelqu'un et puis de la donner à Jean Grey pour ressusciter juste Jean Grey sans le Phénix. Et en fait là c'est l'épisode dit bien tourné, parce que pour ressusciter Jean Grey, à un moment le Phénix dit je suis pas obligé de prendre qu'une vie, je peux prendre une partie de la vie de chacun. Et donc t'as tous les X-Men autour plus des Shi'ar et ils prennent un morceau de la vie de chacun et hop Jean Grey revient à la vie. D'accord. C'est pour ça que Dark Phoenix ça me parle pas du tout. C'est un truc cosmique. Hein, ouais, puis dans la série c'est assez sombre parce que Rogue par exemple vole et a une super force parce qu'elle a failli tuer Captain Marvel. Elle a récupéré tous ses pouvoirs. C'est ça. Elle a récupéré tous ses pouvoirs et conclusion, elle a laissé Captain Marvel dans le coma. Ah oui, d'accord. Bon, il y a toute cette subtilité qui raccroche. En fait, ce que tu me dis, c'est que ça se raccroche à l'univers Marvel, pas que l'univers X-Men, quoi. Ça se raccroche à tout l'univers Marvel parce qu'il y a un moment, on fait des références à Captain America, mais on le montre pas, hein. C'est-à-dire qu'on y fait des références. Ouais, on fait des références à Captain Marvel, mais on juste dit, t'as juste Rock qui dit, je suis désolé, Dana. Tu vois, elle dit pas, je suis désolé, Captain Marvel, ouais, un truc comme ça. D'accord. Après, t'as des périodes où t'apprends que Mystique, elle a pas toujours été diabolique, enfin, tous les trucs comme ça. Donc, c'est ça. C'est franchement bien tourné. Après, t'as les sagas avec Apocalypse, puis, qui étaient vraiment bien faites. Puis c'était, après, t'as John Cable qui arrive, ça part un peu n'importe comment, et puis ça arrive toujours à se regrouper. Mais après, de toute façon, les BD aussi partent n'importe comment. Donc, il a manqué Deadpool finalement dans cet univers. Deadpool, faudra attendre Ultimate Spider-Man avant d'avoir un aperçu de Deadpool. D'accord. Mais ça aurait été bien d'avoir un Deadpool dans cette série. Bah non, il est encore marginal, Deadpool. Il est connu que depuis que Ryan Reynolds s'est dit, tiens, je me concentrerai bien sur le personnage. Donc X-Men, ouais, encore une saga, je vous conseille. Hein. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a la confrérie, il y a les X-Men, il y a les Morlocks, il y a vraiment de tout. Donc, tu parles des mutants Magneto, quoi. C'est complet, c'est pas si manichéen que ça. Ouais, il y a le bien et le mal, hein, quand même, d'un côté, faut pas déconner. Mais je veux dire, Magneto, qui peut les détruire, mais qui le fait pas, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de caché derrière. Et au début, on se dit, oh, c'est un copain Charles. Et puis quand on se rend compte pourquoi il tue pas les X-Men tout de suite, on se dit, ah ouais, quand même. Donc voilà, il y a quelque chose de matière à réfléchir. Il y a toujours cette relation intime entre Charles et Eric, quoi. Bah, au début, on croit que c'est ça, mais en fait, non, les enjeux sont beaucoup plus développés. Et on se rend compte que Magneto, c'est quand même une grosse tête, quoi. D'accord. Ouais, bah ça respecte la mythologie, quoi, finalement. Je pense qu'on va parler des mangas et autres super-héros de l'animation, quoi. Bah, c'est une partie, ouais, que là, on va devoir attaquer sur les mangas. Et là, ça va être très long. Ça va être long parce que les mangas, bien heureusement, c'est ce qui a formé ma jeunesse, donc, donc j'ai une bonne référence là-dessus. Ouais, je propose un interlude, puis on attaque sur les mangas. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.